OK. B. O. R. 6. Le rap, ma religion, mec. Les meilleurs sauts sont classiques, chacun s'y voit d'humilité pour ramasser un tas de fric. Pourquoi des beats techno pour le pif pélo qui est tout pris sous maintenant le hip hop et mid-ego. Capitaliste, les valeurs ont capitulé, c'est pas un foutu caprice, suffit de mater. L'intitulé comme un païen pour les faux, dans la tombe du peu rap. Guérilla à coup de flot, en fait une quête du sein le gras. Les enjeux, pas la frais, pas le massacre, et master, ça veut le trône d'or. Mais y'a pas de sac, j'ai pas le temps et pas de time, pourtant j'attends mon air, mes cartes. Le rap me tend la main, j'ai pas vu ses gants de velours. Maintenant, ça veut du lourd, c'est mort. Y'a plus de la house, c'est la hesse. Le violon s'est fait crucifier, c'est violent. Les MC, comment on a crucifié? Crépuscule du profit, des lourds repèrent leur point. Crépuscule dans ma musique, et moi, bah j'perds la voix. Le rap, ma religion, et j'ai peur de perdre tout espoir. Le gitan et sa légion veulent écouter son histoire. Crépuscule du profit, des lourds repèrent leur point. Crépuscule dans ma musique, et moi, bah j'perds la voix. Le rap, ma religion, et j'ai peur de perdre tout espoir. Le gitan et sa légion veulent écouter son histoire. Si mon chemin de croix, dur d'avancer sans les dieux, trop de paillettes à croire. On écoute avec les yeux. Les modes passent et les rappeurs fans, ils ratent leur face du profit en guise de cieux. J'ai trop la dalle mais je mange pas de ce pain là. Le rap se prend des balles puisque sang et j'éponge avec du sopalin. Les amateurs devraient son prix, nos rêves en sont pris et nos espoirs sont pâles. Dans les travers des têtes c'est une no bench kick. Le rap est sali et ses têtes se lave avec de l'eau. Fini ta molar sur votre rap don't be. Fais le sacrement pour baiser son pote. Pas lui en vouloir sacrément. Dégoûté par vos sons sur des instrus club, on roule à 200 avec la mort pour instructeur. J'prie d'art pour que mon sous soit sanctifié. Pélé que le chétan arrive et va tous nous sanctionner. Crépuscule du profit, des lourds repèrent leur point. Crépuscule dans ma musique et moi, bah perds la voix. Le rap, ma religion, et j'ai peur de perdre tout espoir. Le gitan et sa légion veulent écouter son histoire. Crépuscule du profit, des lourds repèrent leur point. Crépuscule dans ma musique et moi, bah perds la voix. Le rap, ma religion, et j'ai peur de perdre tout espoir. Le gitan et sa légion veulent écouter son histoire. J'ai marre d'art jusqu'à Saint-Jacques de Compostale. Le hip-hop s'essouffle à des douleurs intercostales. J'suis posé des halles, impuissant devant notre son qui dépose les armes devant un gros paquet de bourdons. J'ai plus la foi, c'est l'espoir qui est mis en terre. La tête qui tourne depuis que le bon son est mis en pierre. Ma musique joie bien que ça sente esprit. C'est au nom du pèse, du fisc et du Saint-Esprit. Chacun son constat, joie bien que c'est comptable. C'est sûr que c'est constable sur la maille et sans contact. Ils ont tellement péché, y'a plus que des gros requins. Un son tout pété, un bon odeur dans le refrain. Miséricorde, je veux des sons qui va bouger la tête. Qui brise des corps, très loin de vous la facette. Le rap, ma religion, et mec valeur. Dire que le hip-hop et sa légion a des valeurs.